mange qu'à beau bien, c'est ça y'a tout qu'à dire. Moi qu'à travailler même la semaine, dans les îles pour bœuf. Ma si bol, moi qu'à étudier la comptabilité. Nous pas qui n'y a rien pas, on y a rien à ton panier. Ma si bol, moi assise la caille, il qu'à compter ça moi porter. Ma si bol, moi à dans caille là, qu'à calculer ça moi gagner. Bol mwen a dan kaila, li ka fè comptabilité. Ma si bol mwen a dan kaila, ka calculer sa mwen pote. Et puis tu sens.